de Thierry de Mercastel, Espiats. Ce poème est édité par atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Espiats. Me voilà, tu vois, au parvis de mes printemps, de mes rêves passés où je suis revenu, où je vois renaître un peu de nos instants, tes mains sur mes naseaux fumants et impromptus. J'y vois notre barque sous des flots apaisés, cet horizon me revenant bleu marine, ces poussières d'été s'élevant au vent pressé, mes veines sous l'écume, l'aube opaline. Sous le jour fini, tu sais, souvent je reviens sur des rives étranges adoucir tes songes. Alors nous revenons sur nos sentiers anciens, nos deux cœurs battants qu'un vent trop fou prolonge. J'y mêle au flou de tes cheveux ta voix douce, et je dénoue l'absence dans mes courses folles, frôlant ton ombre tout près de l'une rousse, m'abreuve d'un amour qui va et nous console. Ici se termine Espiats de Thierry de Mercastel. Illustration musicale du site museopen.org. Consolation de Liszt.